Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Rien ne peut t'être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha, avant qu'Abraham ne fût tué, oh Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi. Tes louanges, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha Omega. Jusqu'à la ligne où m'attend Omega. Bah, mon dernier lieu, il se lève pour moi, mon rédempteur qui me défend. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Omega. pas.